franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Philippe, qu'est-ce qui sent Beauvais comme ça? Eh bien, c'est Florent qui nous appelle de Beauvais. Bonne ville de France, vieille cité de l'Île-de-France, cité meurtrie, cité mutilée. C'est en ces termes que le général de Gaulle salue Beauvais en août 1945. Et oui, car il fallait en effet reconstruire sur les 43 hectares de déblais, quadrillés par des rues désertes. Ah, la désolation, l'abîme, la mort. Bonjour Florent, alors, ça va bien? Bonjour Margaret. Bonjour Philippe. Docteur. Oui, je sais. Alors, Florent de Beauvais, on vous écoute. Bon, d'abord, c'est gentil hein, d'être à l'écoute de gens comme moi. Hein. Mais on est là pour ça, Florent. Oui, mais déjà, à la base, il y a des gens qui ne prendraient pas le temps d'écouter les problèmes des autres. Ah oui, mais c'est le principe de l'émission. Oui, mais à la base, vous auriez pu faire une autre émission. Quoi. Bah oui, mais en l'occurrence, non. Alors. Oui. Ben voilà, bon je suis un bon vivant, hein, et puis cure rien et tout, et alors j'appelle parce qu'à la base, bon je suis un bon vivant, hein, et mes amis me disent toujours, bah vas-y mollo sur le goulot. Pourquoi? Pourquoi? Ben pour que je boive pas trop. Oui, mais pourquoi ils vous disent ça? Pourquoi ils me disent ça? Ben parce qu'à la base je suis un bon vivant, j'aime les bonnes choses et je profite de la vie, quoi. Et vous buvez beaucoup, Florent? Ben ta gueule. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en colère, Florent, et vous êtes sans doute un bon vivant, mais avec un mal de vivre, car je ne vous sens pas très heureux. Est-ce que je me trompe? Si vous vous trompez, bah à la base, c'est mes amis qui sont rabat-joie, qui n'arrêtent pas de me dire que je bois trop, même quand je conduis. Et bon, si je buvais trop, bah, je ne serais pas capable de faire mes tournées. Quoi. Les tournées? Bah, les tournées. Les tournées? Oui, les tournées, je suis représentant de commerce le week-end. Ah, et vous ne travaillez pas la semaine, hein? Si je travaille la semaine, oui. Et la semaine, je suis conducteur de bus scolaire. Oh, bah c'est super bien, ça. Parce qu'il y a des enfants très isolés hein, dans nos campagnes de France, et c'est important de pouvoir les scolariser. Ah oui, je sais, ça va. Comment? Mais vous ne buvez pas en conduisant? Ben non, j'ai les deux mains sur le volant, hein, et j'ai les gamins à l'arrière. Quand? Ben quand je conduis. Vous buvez combien, Florent? Un litre. Une bouteille? Et demi, un litre. Mais vous mangez? Bah oui. À la base, je bois pas pour être bourré, hein, je bois en mangeant, je suis un bon vivant. D'accord, vous buvez en dînant, quoi. Oui, là, et puis le midi, puis le matin, pendant les repas, en mangeant, quoi. Bah, c'est bon, si j'écoutais mes amis, on dirait que je suis un clochard dans la rue qui boit toute la journée pour être bourré. Alors. C'est sûr que si je bois rien comme eux, si c'est pour être tout triste, merci de la déprime. Alors, Florent, ce sont plutôt vos amis hein, qui m'inquiètent. Et là, il y a un mot qui me vient à l'esprit. Schadenfreude, qui est la joie que l'on peut éprouver devant le malheur de l'autre. Un mot qui n'existe d'ailleurs qu'en allemand, une langue décidément bien riche. Je me demande si vos amis ne chercheraient pas à vous rendre malheureux en vous empêchant d'être vous-même pour se sentir par contraste heureux. Est-ce que ça fait sens? Florent? 3684 euros. Ah. Comment? J'ai gagné? Comment? Pardon. Non, pardon, parce qu'à la base, dans le bus, il n'y a que RTL, alors c'est pour ça. Pardon. D'accord. Donc, en gros, Florent, je pense que Écoutez, je pense que tout va bien. Conservez surtout cette belle joie de vivre qui est la vôtre. N'en déplaise aux mauvais coucheurs, ils se reconnaîtront. Oui, alors continuez à sillonner nos belles routes de France, car c'est bien de la survie, de la ripaille et de l'esprit gaulois dont il s'agit. Et si vos amis ne savent pas s'amuser, eh bien, changez-en. Oui, c'est pour ça que j'ai viré ma femme et mes gosses, parce qu'ils commençaient tous à me faire vraiment chier. Et moi, attention, c'est bien d'être à l'écoute de ses amis et d'avoir envie de les protéger d'eux-mêmes, mais il ne faut pas se poser en père la morale et en l'occurrence confondre ce qui tient plus du rituel joyeux que de l'addiction. Et oui, addiction qui, on le sait maintenant, provient d'un gène. Le gène de l'addiction. Mmh. Et oui, c'est le médecin qui parle. Tout comme il y a un gène de l'homosexualité et de la délinquance. Marga, cette émission touche à sa fin. Oh, on était bien ensemble. C'est vrai. Alors, Philippe, pas de petite... Ah, bon. Si. Bah oui, quand même. L'alcool est notre pire ennemi. Fuir serait lâche. Alors, continuons à ripailler en Gaule. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet, un bon vivant, lui aussi. C'est vrai. Au revoir, Margaret. Au revoir, Philippe. Et merci à tous nos auditeurs pour leurs nombreux messages sur le forum de France Inter. Ah oui, nombreux messages qui nous vont droit au cœur. Et oui, qui nous encouragent à continuer coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.